Je me réfugie dans mes pensées. Comme un imprévu tellement familier, je m'ennuyais en votre présence. Je devais faire preuve de silence. Je devais même m'absenter. J'avais le goût pour ce que je pense. J'avais envie de m'émerveiller. Les choses ne prenaient plus d'importance. Pas tellement envie de m'amuser. J'avais plutôt envie de m'évader. J'avais ces envies. C'est toujours me taire.